Dantes Beat. Blessé, chaque week-end, on peut l'entendre. Après, puis des fins, on va déchouer. L'amour fait crier, crier, crier. Personne n'a besoin pour soulager. La place d'amour, l'on va chercher. Pour de l'eau, non, j'ai. Mais présent pour te raconter. Mais t'as son boulot là. Tout en va mal passer. Ou tout volant cauchemar. Sous l'amour m'ka poule, baby vin béni toi. Wap tellement jeune l'amour nan kem, wap mandem si son territoire. Bonne yak moun ki pa pou, chéri ou toujours blessé, je suis la solution. Met souris sou lèv ou nan vim, ça c'est pigou mission. Ma bon love, même l'or pas rassasié, wap contenté. L'or vle boue ka fait l'amour si m'ba gagné, wap contenté. M'fek carré kembe wak l'amour, m'fek carré comblo nan tout vim, wap poué. Pengle te met passe 10 baby, map tourne premier. Ma bavon nan tout si constance, m'promette sincérité. Kembe ou nan vim net, m'bon l'amour, c'est tout son mérité. Surtout fon l'amour, ki fait ke ou bat. Ou met de l'hôtel, ou met chouchouté. Et puis, kebel, et puis. Kebel, kebel, kosala.